sais quoi? Ouais. On l'a eu. Ok. Ces gars ira tout droit en prison. Trace a suspendu même ses diffusions. Il va crever. David Monceau a résilié les contrats. Ok. Et Janine Diagou l'a désavoué. Créature à douce, père des côtes, si mon péché t'ai fait marcher. Côte, côte, que mon pardon atténue ta douleur. Toi, le chef de vrai du créateur, mère de Manuel, femme et fan, je suis désolé, maman. Oh, oh, oh, t'as vraiment désolé pour tout. Bakoli, sangana, maman, j'aime pas qu'elle souffre. Journée mon koya régré à bafananga. Elle est qui 5 ans des prisons, Oyoba juge. Mbakoka telanga goga. 5 minutes ya soni, ya bananangaï. Et copine n'a collé qu'à 10 ans des prisons. Balobi za kolukabes. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Souci na bangonga na sila. Loko la bié à 5000 francs. Et bungana circulation boyao. Mbaloué neuf tracteur. Papi kolanga li titi moko. Na elanga musique à Congo. Oh, oh, oh, oh, oh. Makele l'envoula na batole si la gagne mou moko. Parfum ya li kamboué si la gagne mou pepa silence. Motoisa na nun ambulance. Bossa le lié communiqué. Nécrologique. Otika ko négocier prix à ivoire et andoko. Soki nanu bobo mi etero. Nzambe a salibino manicure forcé. Bo perdre mandaka ko détruire na. Bo sopelinga masanga na nzoto. Ata na tamboli normal. So le pessinga identité à moto ya kwiti soular. Je suis désolé pour tout. Désolé, mes fans. Envie de m'isoler, souci. Netti mozolé, la soupe en boca. Je suis désolé pour tout. Désolé, même des leurs mensonges. Envie de m'isoler, regret. Netti mozolé. Des prisons, maman Olive, elle aimait.